Surtout pas de panique si vous êtes en détresse. Les poneys aquatiques savent ce que c'est qu'un SOS. Si vous êtes à la dérive sur une coquille noire, appelez-nous, on arrive, craignez rien, on est là. Choubidou, choub, choubidou. Si ton bateau te casse, faut pas t'affoler. Et même si tu te fracasses sur un vilain rocher, choubidou, choub, choubidou. Surtout pas de panique, appelez-nous en vitesse. Les poneys aquatiques savent ce que c'est qu'un SOS. Même si votre gouvernail s'en met dans l'appareil, laissez-nous le travail, on répare aussi. De grandes aventures pleines de joie, un immense cœur pur et fort à la fois. Un point de tendresse n'est pas bien complexe, un tour de magie et c'est parti, tu es My Little Pony. My Little Pony. La magie, la magie. My Little Pony. L'amitié et la magie qui nous unit, la magie qui nous unit.